Chapitre 4. Monsieur Pascal, nous l'avons dit, avait passé une partie de sa vie dans une position plus que subalterne et précaire, dévorant les plus outrageants dédains avec une patience pleine de rancune et de haine. Né d'un père colporteur, qui s'était amassé quelques pécules à force de privations et de trafics illicites ou douteux, il avait commencé par être homme de peine chez une espèce d'usurier de province, auquel M. Pascal Père confiait le soin de faire valoir son argent. Les premières années de notre héros s'écoulèrent donc dans une domesticité aussi dure qu'humiliante. Néanmoins, comme il était doué de beaucoup d'intelligence, d'une grande finesse, et que sa rare opiniâtreté de volonté savait au besoin se plier et disparaître sous des dehors d'insinuantes bassesses, dissimulation forcément née de l'état de servilité où il vivait, Pascal, à l'insu de son maître, apprit presque tout seul à lire, à écrire, à compter. La faculté des chiffres et des calculs financiers se développa presque spontanément en lui d'une manière merveilleuse. Pressentant sa valeur, il se demanda s'il pouvait, en la cachant, s'en faire un avantage pour lui et une arme dangereuse contre son maître qui laborait. Après mûre réflexion, Pascal crut de son intérêt de révéler l'instruction qu'il avait secrètement acquise. L'usurier, frappé de la capacité de son homme de peine, le prit alors pour son teneur de livre au rabais, augmenta quelque peu son infime salaire et continua de le traiter avec un mépris brutal, cherchant même à le ravaler davantage encore que par le passé, afin de ne pas lui laisser soupçonner le cas qu'il faisait de ses nouveaux services. Pascal, ardent, infatigable au travail, impatient d'augmenter son instruction financière, continua de subir impassiblement les outrages dont on l'abreuvait, redoublant de servilité à mesure que son maître redoublait de dédain et de dureté. Au bout de quelques années passées ainsi, il se sentit assez fort pour abandonner la province et venir chercher un théâtre plus digne de lui. Il était entré au nom de son patron en correspondance d'affaires avec un banquier de Paris, auquel il offrit ses services. Celui-ci, ayant depuis longtemps pu apprécier Pascal, accepta sa proposition et il quitta sa petite ville au grand regret de son premier maître qui tenta, mais trop tard, de le retenir en l'intéressant à ses affaires. Le nouveau patron de notre homme était chef d'une de ses riches maisons, moralement tarée, mais, et cela n'est pas rare, regardé, commercialement parlant, comme irréprochable, car si ces maisons se livrent à des opérations qui touchent parfois au vol, à la fraude, si elles se sont impunément engraissées par d'ingénieuses faillites, elles font, comme on dit, honneur à leur signature, signature pourtant déshonorée dans l'estime des gens de bien. Fervents adeptes de ce bel axiome qui résume toute notre époque, enrichissez-vous. Ils siègent fièrement à la chambre, prennent héroïquement le sobriquet d'honorable et visent au ministère. Pourquoi non? Le luxe tant vanté des anciens fermiers généraux n'était que misère auprès de la magnificence de M. Thomas Rousselet. Pascal, transplanté dans cette maison d'une impudente et folle opulence, éprouva des humiliations bien autrement amères et poignantes que chez son bon vieux copain d'usurier de province, qui le traitait comme un vil mercenaire, mais avec qui, du moins, il avait des rapports de travail fréquents et presque familiers. Or, l'on chercherait en vain, dans la fierté nobiliaire la plus altière, dans la vanité aristocratique la plus ridiculement féroce, quelque chose qui pût approcher de l'impérieux et écrasant dédain avec lequel M. et Mme Rousselet traitaient leurs subalternes, qu'ils tenaient à une distance incommensurable. Parqués dans leur sombre bureau, d'où ils voyaient resplendir les somptuosités de l'hôtel Rousselet, les employés de cette maison ne connaissaient que par manière de tradition féerique ou de légende fabuleuse les fantastiques merveilles de ces salons et de cette salle à manger d'où ils étaient souverainement exclus de par la dignité de Mme Rousselet, au moins aussi hautaine, aussi grande dame que la première femme de chambre d'une princesse de Lorraine ou de Rouen. Quoique d'un ordre nouveau, ces humiliations n'en furent pas moins terriblement sanglantes pour Pascal. Il sentit là, plus que partout ailleurs, son néant, sa dépendance. et le joug de l'opulent banquier le blessa bien plus à vif, bien plus profondément, que celui de l'usurier. Mais notre homme, fidèle à son système, cacha ses plaies, sourit au cou, lécha la botte vernie qui parfois daignait s'amuser à le crosser, redoubla de travail, d'études, de pénétration, et apprit enfin dans la pratique de cette maison ce qu'il regardait comme la vraie science des affaires. En un mot, gagner, avec le moins d'argent possible, le plus d'argent possible, par tous les moyens possibles, en se sauvegardant rigoureusement de la police correctionnelle et des assises. La marge est grande. On pouvait, on le voit, y évoluer fort à l'aise. 5 ou 6 ans se passèrent encore ainsi. L'esprit recule effrayé lorsqu'on songe à ce qui dut s'amasser de rancune, de haine, de colère, de fiel, de venin dans les abîmes de cette âme froidement vindicative, toujours calme au dehors, comme la noire et morne surface d'un marais fangeux. Un jour, M. Pascal apprit la mort de son père. Les économies du colporteur, considérablement grossies par de savantes manipulations usuraires, avaient atteint un chiffre fort élevé. Une fois maître de ce capital, et fort de son activité, de son audace, de son rare savoir-faire, ou plutôt de son savoir-prendre, Pascal se jura sur l'honneur d'arriver à une grande fortune, d'utile pour parvenir plus vite, il faut bien risquer quelque chose, sortir un peu, si besoin était, de l'étroit et droit chemin de la légalité. Notre homme se tint à soi-même son serment. Il quitta la maison Rousselet, puis l'habileté, le hasard, la fraude, le bonheur, la ruse et la probité de l'époque aidant. Il gagna des sommes importantes, paya comptant l'amitié d'un ministre qui, le renseignant avec une tendre sollicitude, le mit à même de jouer à coup sûr aux 30 et 40 de la bourse et d'encaisser ainsi près de 2 millions. Peu de temps après, un courtier d'affaires anglais, très aventureux mais très intelligent, lui fit entrevoir la possibilité de réaliser d'immenses bénéfices en se jetant avec audace dans les opérations de chemin de fer, alors toutes nouvelles en Angleterre. Pascal se rendit à Londres, sut profiter d'un engouement qui prit bientôt des proportions inouïes, joua toute sa fortune sur ce coup de dé, et réalisant à temps, il revint en France avec 15 millions. Alors, aussi prudent, aussi froid qu'il avait été aventureux, et doué d'ailleurs de grandes facultés financières, il ne songea plus qu'à continuellement augmenter cette fortune inespérée. Il y parvint, profitant de toute occasion avec une rare habileté, vivant d'ailleurs largement, confortablement, satisfaisant à tout prix ses nombreux caprices sensuels, mais n'affichant aucun luxe extérieur ou intérieur, et dînant au cabaret. De la sorte, il dépensait à peine la 1/5 partie de ses revenus, qui, se capitalisant chaque année, augmentait incessamment sa fortune, que d'habiles opérations accroissaient encore. Alors, nous l'avons dit, vint pour Pascal le grand et terrible jour des représailles. Cette âme, endurcie par tant d'années d'abaissement et de haine, devint implacable et trouva 1000 voluptés cruelles à faire sentir aux autres la pesanteur de ce joug d'argent qu'il avait si longtemps porté. Ce dont il avait surtout souffert, c'était de la dépendance, du servage, de l'annihilation complète du moi, où il avait été tenu si longtemps, obligé de subir sans murmurer les rudesses, les dédains de ses opulents patrons. Ce fut cette dure dépendance qu'il prit plaisir à imposer aux autres, à ceux-ci, en exploitant leur servilité naturelle, à ceux-là, en les soumettant à une implacable nécessité, symbolisant ainsi en lui la toute-puissance de l'argent, dans ce siècle vénal, tenant ainsi en sa dépendance presque absolue, depuis le petit marchand qu'il commanditait, jusqu'au prince du sang qui s'humiliait pour obtenir un emprunt. Ce despotisme effrayant que l'homme qui prête peut exercer sur l'homme que les besoins du moment forcent à l'emprunt, M. Pascal l'exerçait et le savourait avec des raffinements et des délicatesses de barbarie incroyables. On a parlé du pouvoir de Satan sur les âmes. Satan excepté, M. Pascal pouvait perdre ou torturer autant et plus d'âmes que Satan. une fois dans sa dépendance, par un crédit, par un emprunt ou par une commandite, accordé d'ailleurs avec une parfaite bonhomie, et souvent même offert avec un perfide semblant de générosité, mais toujours sur de solides garanties morales ou matérielles, l'on ne s'appartenait plus. On avait, comme on dit, vendu son âme à Satan Pascal. Il procédait à ses marchés avec une infernale habileté. Un moment de crise commerciale arrivait-il, les capitaux devenaient ou introuvables, ou d'un intérêt si exorbitant que des commerçants très solvables, très probes d'ailleurs, se voyaient dans un embarras extrême, souvent à la veille d'une faillite. M. Pascal, parfaitement renseigné, certain d'être couvert de ses avances par les marchandises ou le matériel de l'exploitation, accordait ou proposait ses services à un intérêt d'une modération incroyable pour la circonstance, mais déjà fort lucratif pour lui. Seulement, il mettait à ce prêt la condition expresse d'un remboursement à sa volonté, se hâtant d'ajouter qu'il n'userait pas de ce droit, son avantage étant de n'en pas user, puisque le placement lui offrait évidemment des bénéfices. Sa grande fortune garantissait d'ailleurs le peu de besoin qu'il avait d'une rentrée immédiate de 50 ou de 100 000 écus. Mais par habitude, par bizarrerie, si l'on voulait, ajoutait-il, il tenait expressément à ne prêter qu'à cette condition de rembourser à sa volonté. L'alternative était cruelle pour les malheureux que tentait Satan Pascal. D'un côté, la ruine d'une industrie jusqu'alors prospère, de l'autre, un secours inespéré et si peu onéreux qu'il pouvait passer pour un généreux service. La presque impossibilité de trouver ailleurs des capitaux, même à un taux ruineux, et puis la confiance que savait inspirer M. Pascal, rendait la tentation bien puissante. Elle était achevée par la bonhomie insinuante de l'archimillionnaire, si jaloux, disait-il, de venir en manière de providence financière à l'aide de gens laborieux et honnêtes. Tout concourait en un mot à étourdir ces imprudents. Ils acceptaient. Pascal, dès lors, les possédait. Une fois sous le coup d'un remboursement considérable qui pouvait à chaque instant les rejeter dans la position désespérée dont ils étaient sortis, ils n'avaient plus qu'un but, complaire à M. Pascal, qu'une crainte, déplaire à M. Pascal, qui ainsi disposait en maître de leur sort. Souvent, notre Satan n'usait pas tout d'abord de son pouvoir, et par un raffinement de méchanceté sardonique, il commençait par jouer au bonhomme, au bienfaiteur, au complaisant, avec une satisfaction ironique au milieu des bénédictions dont on le comblait, laissant ainsi longtemps ses victimes s'habituer à leur erreur. Puis, peu à peu, selon son humeur, son caprice du moment, il se révélait progressivement, n'employant jamais les menaces, la rudesse ou l'emportement, affectant au contraire une doucereuse perfidie qui, parfois, en raison même du contraste, devenait effrayante. Les circonstances en apparence les plus insignifiantes, les plus puériles, lui offraient mille moyens de tourmenter les personnes qu'il tenait dans sa redoutable dépendance. Ainsi, par exemple, il arrivait chez un de ses bassaux. Celui-ci allait partir avec sa femme et ses enfants pour se rendre gaiement à quelque fête de famille longtemps préparée à l'avance. « Je viens dîner sans façon avec vous, mes bons amis, » disait Satan. « Mon Dieu, monsieur Pascal, quel regret nous avons. C'est aujourd'hui la fête de ma mère, et vous le voyez, nous partons pour aller dîner chez elle. C'est un anniversaire que jamais nous ne manquons de célébrer. Ah, c'est très contrariant, moi qui espérais passer ma soirée avec vous. Et pour nous donc, monsieur Pascal, croyez-vous que la contrariété soit moins vive? Bon, vous me sacrifierez bien votre fête de famille. Après tout, votre mère ne mourra point de n'être point fêtée. » « Oh, mon bon monsieur Pascal, c'est impossible. Ce serait la première fois depuis notre mariage que nous manquerions à cette petite solennité de famille. »« Allons, vous ferez bien cela pour moi. »« Mais monsieur Pascal... »« Je vous dis, moi, que vous ferez cela pour votre bon monsieur Pascal, n'est-ce pas ?»« Nous le voudrions de tout cœur, mais... »« Comment ? Vous me refusez cela à moi ? Pour la première des choses que je vous demande ?» Et M. Pascal mettait une telle expression dans ce mot « à moi » que toute cette famille tressaillait soudain. Elle sentait, comme on dit vulgairement, son maître. Et tout en ne concevant rien à l'étrange caprice du capitaliste, elle s'y soumettait tristement, afin de ne pas indisposer l'homme redoutable dont elle dépendait. On se résignait donc, on improvisait un dîner, on tâchait de sourire, d'avoir l'air joyeux, et de ne pas regretter cette fête de famille à laquelle on renonçait. Mais bientôt une crainte commençait à resserrer les cœurs. Le dîner devenait de plus en plus triste, contraint. M. Pascal s'étonnait doucereusement de cet embarras et s'en plaignait en soupirant. « Allons, je vous aurais contrarié. Vous me gardez rancune, hélas, je le vois. »« Ah, M. Pascal !» s'écriaient les malheureux de plus en plus inquiets. « Pouvez-vous concevoir une pareille pensée ?»« Oh, je ne me trompe pas, je le vois, je le sens, car mon cœur me le dit. Et mon Dieu, ce que c'est ?» C'est toujours un grand tort de mettre les amitiés à l'épreuve, même pour les plus petites choses, car elles servent quelquefois à mesurer les grandes. Moi qui comptais sur vous comme sur de vrais bons amis, encore une déception peut-être. » Et Satan Pascal passait sa main sur ses yeux, se levait de table et sortait de la maison d'un air contrit, affligé, laissant ses malheureux dans de terribles angoisses. Car s'ils ne croient plus à leur amitié, s'il les croit ingrats, il peut d'un moment à l'autre les replonger dans l'abîme en leur demandant un argent si généreusement offert. La reconnaissance qu'il attendait d'eux pouvait seule leur assurer son appui continu. Nous avons insisté sur ces circonstances qui sembleront puériles peut-être et dont le résultat est pourtant si cruel parce que nous avons voulu montrer, pour ainsi dire, le premier échelon des tourments que M. Pascal faisait subir à ses victimes. Que l'on juge, d'après cela, de tous les degrés de torture auxquels il était capable de les exposer. Lorsqu'un fait si insignifiant en soi qu'une fête de famille manquait offrait tant de pâture à sa barbarie raffinée. C'était un monstre, soit. Il est malheureusement des Nérons de tout étage et de toute époque. Mais qui oserait dire que Pascal eût jamais atteint ce degré de perversité sans des exemples pernicieux, sans les terribles ressentiments depuis si longtemps amassés dans son âme irritée par la dépendance la plus dégradante. Le mot représailles n'excuse pas la férocité de cet homme, elle l'explique. L'homme ne devient presque jamais méchant sans cause. Le mal a toujours son générateur dans le mal. Monsieur Pascal ainsi posé, nous le précéderons d'une heure environ chez M. Charles Dutertre.